J'suis dans la caravane, bébé tu me sens là-bas. Dis-le moi, j'emporterai la danse. Qu'est-ce que je vais devenir? Dis-le moi, un bébé couronné. Malgré la pauvreté, j'ai l'honneur. Maman t'a tout donné, jamais abandonné. Tiens mon cœur. Hier, hier, hier, hier, le bon Dieu exaucé nos prières. L'humain, l'humain, l'humain, l'humain nous avait jeté sa prière. Façon aujourd'hui ou hier, la nuit a osé oublier. Monde aux photos VALD, ce putain de monde et c'est cruel. Tellement, bébé j'ai tellement, tellement tourment. J'ai vu l'enterrement d'un peuple tout entier, d'un pays carrément. J'veux être un classique comme le vinyle. À la base moi j'étais fini. Juste pour pitcher cette fini. Aujourd'hui le salaire s'élève à 10 000. J'demande à Dieu qu'il me pardonne quand je me sens perdu. La femme me remet sur le chemin. Beaucoup de qualités mais la nuit je l'ai quitté. Car je vole comme un aigle au milieu des cameaux. On était des amis ou pas, on marchait ensemble. T'as fait des faux pas donc tu pourrais le refaire demain. Aujourd'hui tout est carré, mon cœur je l'ai barricadé. Et ça fait des années que je suis debout. En dessous des montagnes de peine que je récolte, je sème de la joie à travers mes la. En dessous des lunettes que j'ai, mes larmes je les ai cachées. J'ai pleuré dans les bras de baba. Je connais des têtes de réseau, plus malin que professeur, qui ont perdu la raison. Je me méfie du mauvais sang. Je récupère le nord comme Jon Snow. L'année passée c'était un bon sang. Or et platine, non c'est passé. Je tue le roi dans la prochaine saison. J'ai quitté mon village, Itachi Uchiwa. Le cœur était si noir comme un corbeau. Croissant étoile sur le drapeau. Je représente ce que le pouvoir n'importe. Non, non, non, non, on est des yens. Et les tuer nous fait marrer. Que voulez-vous, la vérité. La rue nous a sauvagisés. J'aurai jamais le million de trop. J'aurai à jamais les crocs. La guerre pour avoir la paix, la chanson aura sa peau. Nous ne sommes pas des surhommes. C'est pour ça que nous avons des compagnons pour nous aider. Ensemble, nous pouvons réussir ce qui semble impossible seul. En fait, si tu veux savoir qui tu es réellement, sonde ton cœur et accepte-toi tel que tu es, même si c'est difficile.